Chapitre 9. Monsieur Lemoine envoie ses enfants en France pour entrer dans la marine. En revenant de cette expédition, Monsieur Lemoine prit une décision qui devait avoir les conséquences les plus avantageuses pour ses enfants. Vers ce temps, Colbert employait tous les moyens pour mettre la marine militaire sur le plus grand pied. Dans sa supériorité de vue, il avait compris qu'avec les nouvelles colonies, possédées par les autres nations, la marine était appelée à occuper une place considérable dans le monde. Il voyait que le siège de la puissance était déplacé dans l'ordre politique et se trouvait alors dans le commerce des deux mondes. 5 ports furent agrandis et fortifiés. Brest, Toulon, Rochefort, Le Havre et Dunkerque. Des vaisseaux furent construits sur un plus grand modèle que ceux de l'Angleterre et de la Hollande. 100 vaisseaux de ligne furent préparés avec 60 000 matelots et les commandements furent donnés à des hommes d'un grand génie. D'Estrées, Tourville, Duquesne, Jean Bart et Forbin. Bientôt le pavillon français, jusque-là à peine connu sur les mers, donna la loi aux autres nations. Colbert voulut assurer ses succès. Le roi avait demandé à Colbert l'empire de la mer, et Colbert, par les mesures les plus puissantes, sut le lui donner. Tels furent, dans les années suivantes, les progrès de la marine, que, tandis que la France, en 1672, n'avait que 60 vaisseaux de ligne et 40 frégates avec 60 000 matelots, moins de 10 ans après, en 1681, la marine comptait 198 bâtiments de guerre et 160 000 hommes de mer. Mais, pour en arriver là, le ministre avait établi des classes de recrutement pour les marins et des écoles spéciales pour former les officiers, pris dans les meilleures familles. À Rochefort, à Brest, à Dieppe, à Toulon, on avait fondé des écoles où les jeunes gens faisaient leurs apprentissages d'officiers. On y enseignait les mathématiques, l'hydrographie, le service du canon. On assujettissait les pilotes et les artilleurs à apprendre leur métier autrement que par routine, et les élèves de la marine profitaient de cet enseignement. On voit tout cela réglé et disposé avec la plus grande habileté par le grand ministre dans ses lettres aux intendants maritimes. Amousse, Matarel, Duthéron, Dussel, dans les années 1661, 1670 et 1671, et enfin dans sa grande ordonnance sur la marine en 1680. Cette ordonnance a été conservée et elle se trouve au 2e livre du Code du commerce actuellement en vigueur. Le roi secondait ces mesures de tout son pouvoir. Il avait d'abord fait appel aux principales familles des côtes maritimes pour leur faire destiner quelques-uns de leurs enfants à la marine. Il s'était aussi adressé aux grandes familles des colonies qui devaient retirer tant d'avantages de l'accroissement des forces navales. Monsieur Lemoine répondit à ces invitations en envoyant 3 de ses enfants dans les écoles de France, de Sainte-Hélène, d'Iberville et de Maricourt. Il est probable que c'est alors que Monsieur Testard de Montigny envoya aussi son fils, l'ami des jeunes Lemoine. D'Iberville, avec ses frères, passa 4 ou 5 ans dans l'apprentissage de la vie de marin. Il commença par étudier aux écoles, et ensuite il continua ses travaux avec ses frères sur les vaisseaux du roi en campagne. C'était le temps des grandes luttes de la France sur les mers avec l'Angleterre et la Hollande. La France remporta alors plusieurs victoires signalées. Nous ne savons pas avec lequel des commandants, les jeunes Lemoine firent alors leur apprentissage. Mais l'occasion ne devait pas leur manquer, puisque les élèves de marine n'étaient pas plus inactifs que le reste de la flotte. En 1676, le duc de Vivonne, assisté de Duquesne, lieutenant général de la marine, se rendit en Sicile. Il y trouva les Espagnols et les Hollandais réunis. Ceux-ci avaient pour commandant leur plus grand homme de guerre, l'amiral Ruyter. Un premier combat livré près de l'île de Stromboli fut indécis. Mais un second, livré près de Syracuse, fut une complète victoire pour les Français. Ruyter y fut tué. Enfin, Vivonne et Tourville, continuant leur course, atteignirent encore une fois devant Palerme les flottes ennemies et les écrasèrent. La France eut dès lors l'empire de la Méditerranée. Les Hollandais avaient cette même année pris Cayenne et ravagé nos établissements des Antilles. Le vice-amiral d'Estrées, avec 8 bâtiments, reprit Cayenne et détruisit dans le port de Tobago une escadre ennemie de 10 vaisseaux. En 1678, d'Estrées enleva cette île. Puis il traversa l'Atlantique et prit tous les comptoirs hollandais au Sénégal. Le pavillon français régna alors sur l'Atlantique comme sur la Méditerranée. D'autres succès suivirent. Duquesne bombarda Alger en 1681 et 1684. Tripoli et Tunis éprouvèrent le même sort, et pendant quelque temps, la Méditerranée fut purgée des corsaires. Dans l'intervalle, Duquesne avait bombardé Gênes en 1684. En 1689, le convoi destiné pour l'Angleterre traversa la Manche, et le commandant Château-Renaud battit l'escadre anglaise à Bantry. Tourville, avec 78 voiles, attaqua l'escadre ennemie sur les côtes de Sussex et détruisit 18 vaisseaux près de Beachy Head, 10 juillet 1690. Alors la France eut l'empire de l'océan jusqu'au désastre de la Hogue, où Tourville, avec 40 vaisseaux, soutint le choc de 80 vaisseaux anglais et hollandais. Mais l'année suivante, cette défaite fut réparée, car en 1693, à la bataille de Lagos, Tourville anéantit les flottes anglaises et hollandaises et saisit pour 80 millions de marchandises. Pendant ce temps-là, Jean Bart avait fait connaître son habileté et son audace. En 1691, après de brillants exploits, il avait été nommé chef d'escadre dans la marine royale. Étant sorti de Dunkerque, malgré le blocus des Anglais, il brûla 80 vaisseaux ennemis, débarqua à Newcastle et revint avec un immense butin. En 1694, malgré tous les efforts des ennemis, il alla prendre un convoi de grains et défit la flotte hollandaise, supérieure en nombre. C'est alors qu'ayant abordé le vaisseau amiral, il tua le commandant et enleva toute l'escadre. Lorsque les jeunes Lemoine eurent acquis la science compétente, il paraît qu'ils furent envoyés à Montréal, où le gouverneur méditait des entreprises considérables, comme nous le verrons bientôt. Vers 1684, les Lemoine retrouvèrent leur père, avançant toujours en mérite et en considération. Ils n'avaient que 50 ans. Ils revirent aussi leur sainte et admirable mère, riche en pitié, en tendresse et en vertu. Elle était entourée de 12 enfants, dont 4 étaient déjà des hommes faits, et elle n'avait alors que 44 ans. Montréal avait pris pendant ce temps un grand développement. La population était arrivée à 1500 âmes. La ville était protégée par une milice dévouée et intrépide, et elle était environnée de remparts en palissades avec des bastions. Le gouverneur était toujours M. Perrault, neveu de M. Talon par sa femme, et beau-frère, par sa sœur, de M. le président de Bretonvilliers, frère du supérieur de Saint-Sulpice. Le major était M. Bizard, qui avait épousé la fille de M. Lambert Clos. Le curé était M. Delier de Casson, résident à Montréal avec M. Souart, l'ancien instituteur des jeunes Lemoines. M. Durfay et M. de Fénelon s'occupaient surtout des missions. M. de Belmont était à la tête de la mission de la montagne. Les Lemoines avaient beaucoup de parents dans la ville. M. Jacques Lemoine et ses fils, Mme Lebert et ses enfants, parmi lesquels Jeanne, cette jeune fille d'une piété si éminente et qui menait la vie de recluse dans la maison de ses parents. M. Charles Lemoine avait quitté sa maison de la rue Saint-Joseph pour aller s'établir sur le quai, près de la rue Saint-Charles. De là, il pouvait se rendre plus facilement à son fief de Longueuil, où il faisait élever un château considérable. M. Lebert avait aussi quitté la rue Saint-Joseph, et il était venu s'établir sur la rue Saint-Paul, près de la rue Saint-Dizier, où il était plus commodément pour les intérêts de son commerce. Les principaux citoyens que l'on cite à ce moment dans le recensement étaient les amis ou les alliés de la famille Lemoine. Ils ont tous eu des descendants nombreux dans le pays. C'étaient messieurs Prudhomme, Descaries, Deschamps, Jean Dupuis, Urbain Tessier, Delamotte, De Brassac, Robert Cavelier, Antoine Primot, François Lenoir, Pierre Rebutel de Hauménil. Les jeunes Lemoines, en attendant les ordres du gouvernement qu'on leur avait fait pressentir, accompagnèrent encore leur père, qui prit part à deux expéditions en 1684 et 1685. D'abord en 1684, M. de Frontenac, voulant établir une ferme confiance parmi les colons contre les entreprises des sauvages, résolut d'aller trouver ceux-ci pour les déterminer à faire une paix durable. Enfin, Il voulait aussi explorer les nations de l'Ouest pour lier commerce avec elles et les attirer dans notre partie en cas de rupture avec les Iroquois. C'est alors qu'il détermina d'envoyer, en forme d'ambassade, quelques Canadiens amis des sauvages, pour les assurer de la décision du roi à l'égard de la paix. Charles Lemoine fut choisi. Il avait la confiance des sauvages, qui le distinguaient entre tous et l'avaient honoré d'un nom sauvage. Il l'appelait Akwasan, c'est-à-dire la perdrix, à cause de son agilité extraordinaire et peut-être aussi à cause de son teint normand et vermeil. Monsieur de Frontenac se disposait à partir pour rejoindre les envoyés, lorsqu'il fut remplacé dans son gouvernement par Monsieur de La Barre, qui mit à exécution le projet de son prédécesseur. Monsieur de La Barre partit de Montréal le 25 juin 1684 avec Monsieur Lemoine. Il se rendit au lac Ontario, puis à l'embouchure d'une rivière où se trouve maintenant la ville d'Oswego. Il envoya de là Monsieur Lemoine chez les Onontagués, qui paraissaient bien disposés. Monsieur Lemoine revint avec plusieurs chefs indiens qui entrèrent en pourparlers avec le gouverneur. C'était Monsieur Lemoine qui interprétait les allocutions de Monsieur de La Barre et les réponses du chef Iroquois. Mais ces pourparlers n'eurent pas d'issue, parce que les Onontagués ne voulaient pas s'engager à part des autres nations, et craignaient de se mettre en butte à leur ressentiment, car ces nations étaient irritées de n'avoir pas été appelées à ces conférences. Monsieur Lemoine avait prévenu Monsieur de La Barre, qui ne voulut pas l'écouter. Il ne consentit à aucun arrangement, ce qui mit fin à ses entrevues, et il revint mécontent des prétentions des sauvages. De nouveaux événements tournèrent les esprits vers d'autres intérêts, ainsi que nous allons le voir au chapitre suivant.